Exercice 4, page 128. Poupée. Papier. Pompier. Pape. Bébé. Bonbon. Biberon. Barbe. Poubelle. Plombier. Pays-Bas. Pub. Bipé. Bon point. Beau-père. Bip.